Chapitre 14. La maladie de ma mère avait été si terrible et si imprévue que ce fut pour nous un coup de foudre. Comment aurions-nous pu penser qu'une femme d'une santé aussi florissante en apparence, d'humeur toujours gaie, et plus jeune encore de caractère que d'âge, serait frappée si vite? Dès les premières heures, le délire s'empara d'elle, et nous n'entendîmes plus que des sons inarticulés ou des mots sans suite qui témoignaient de son inquiétude sur le sort de ma sœur. Elle rouvrit deux ou trois fois les yeux, fit effort pour nous reconnaître et mourut, serrant de ses mains défaillantes celle de Laure et la mienne. Quelques jours se passèrent dans un profond silence. J'étais tellement abattu et consterné de la mort de ma mère que je n'avais plus la force de réfléchir, ni de travailler, ni même de parler. Je regardais sa place vide à table. Je pleurais en silence et je me levais sans avoir mangé. Mon désespoir était si profond que Laure craignait à la fin qu'il n'eût des suites fâcheuses et s'efforça de me consoler. J'ai souvent entendu dire que l'on consolait les malheureux, et ce doit être vrai sans doute puisque tout le monde le dit. Mais je n'ai jamais vu personne qu'on eût consolé par des discours ou des réflexions philosophiques. Car à quoi sert de raisonner logiquement et de montrer que tous les hommes sont mortels, et que le défunt ou la défunte devait nécessairement subir la loi commune? Ne le savons-nous pas? Et quelle douceur peut-on trouver dans ces lieux communs philosophiques ou dévots? Pour moi, je ne sentis ma douleur s'apaiser, ou plutôt s'adoucir, que le jour où Laure, me voyant toujours morne, sombre et silencieux, s'approcha de moi d'un air caressant, me regarda avec des yeux dont rien ne saurait peindre la douceur et le charme, et m'attirant à elle, me dit: Gaston Phoebus, mon cher Gaston Phoebus, ne suis-je pas là pour t'aimer? Elle était assise sur une grande chaise longue à tapisserie, à côté d'une petite table à ouvrage en face de la cheminée. Moi, j'étais assis près d'elle, et je regardais sans rien dire le feu qui pétillait, et un livre ouvert que je ne lisais pas. À cette parole et à ce geste caressant de Laure, je laissais tomber mon livre et je m'assis à ses genoux. Sur le tabouret même où ses pieds étaient appuyés, je pris ses deux mains dans les miennes, je les baisai tendrement, et je mis ma tête sur ses genoux comme un petit enfant qui va chercher asile dans le sein de sa mère. Il y eut un instant de silence. Enfin, Laure se dégagea doucement de mes mains et me dit « Montre-moi ton chagrin, ouvre-moi ton cœur. À qui pourrais-tu mieux dire combien tu pleures celle que nous avons perdue et que nous regretterons éternellement? N'était-elle pas ma mère aussi bien que la tienne ?» Pendant qu'elle parlait, penchée vers moi, et de ses cheveux touchant presque les miens, je sentais courir sur ma joue son haleine fraîche et parfumée, et je m'enivrais des soins qu'elle prenait d'adoucir ma tristesse. Ce qui est plus singulier, et ce qui montre bien que rien n'est éternel en ce monde, pas même le désespoir des plus désespérés, c'est qu'en l'écoutant, je sentais cette tristesse même se dissiper et faire place à une mélancolie qui n'était pas sans charme. Mon âme, trop longtemps resserrée, et concentrée en elle-même par la douleur, se rouvrait à l'espérance comme une fleur après l'orage. Il m'était presque doux d'être malheureux, puisque je devais être si délicieusement consolé. Qu'on me pardonne ce mouvement involontaire et égoïste. Nous serions plus ou moins que des hommes si nos impressions les plus vives et les plus profondes devaient durer toujours. Je me retournai vers Laure et, entourant sa taille de mes bras, je la serrai sur mon cœur et je lui dis en l'embrassant: Écoute-moi, chère Laure, et jure-moi d'avance que tu feras ce que je vais te demander. » Elle me regarda avec des yeux étonnés et fit sans hésiter le serment que je lui demandais. « Jure-moi de ne jamais me quitter jusqu'à ce que tu sois devenue ma femme. » Il faut dire que depuis quelques jours, je la soupçonnais de préparer son départ. Elle écrivait à Paris et recevait des lettres dont l'écriture m'était inconnue. Ses correspondances, dont je m'apercevais, sans que j'eusse osé lui faire des questions, et sans qu'elle eût elle-même voulu m'en dire un mot ou qu'elle eût paru s'apercevoir de mon inquiétude, me causait une vive anxiété. « Mon cher Gaston Phoebus, dit-elle, rends-moi le serment que tu m'as fait prêter si témérairement tout à l'heure. Il faut que je parte. Nous ne pouvons plus rester ensemble dans cette maison. » Et comme j'allais me récrier, « Du moins jusqu'à notre mariage, » ajouta-t-elle. « Tant que notre mère a vécu, j'étais heureuse de vivre auprès de toi, de penser avec toi tout haut, de te connaître, de t'aimer. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le monde s'étonnerait de nous voir l'un près de l'autre. Le monde ? m'écriai-je d'une voix éclatante, car je voyais tous mes projets de bonheur menacés par ce départ soudain. Le monde ? Et qu'importe à toi et à moi ? N'avons-nous pas vécu sans lui jusqu'à présent ? Et ne vivrons-nous pas loin de lui s'il plaît à Dieu ? Qu'est-ce que ce monde qui t'effraie ? Les bourgeois de Rochebaron, les bourgeoises de Rochebaron, l'avocat, l'avoué, le magistrat, l'épicier, la bouchère, le boulanger du coin ? Quel droit tous ces gens-là ont-ils sur toi et sur moi ? Sont-ils nos maîtres, nos créanciers, nos juges ou même nos amis ? Quelque opinion qu'ils aient de nous, ou quelque histoire qu'il leur plaise de raconter sur nous, m'en aimeras-tu moins ? T'en aimerais-je moins ? Reste donc ici avec moi, chère âme, reprends courage. Tu n'auras pas d'ailleurs à attendre bien longtemps, car je vais, dès demain, si tu y consens, faire publier nos bans à la mairie. Y penses-tu ? Demanda-t-elle, après un deuil si récent. Jure donc, lui dis-je, que tu ne me quitteras jamais, et cesse d'écrire ou de recevoir des lettres dont la seule suscription me remplit de douleur, de crainte. Et de jalousie, ajouta-t-elle en souriant, car c'est ton vice capital, mon pauvre Gaston Phébus, et je prévois que ce vice nous rendra tous les deux bien malheureux. Mais tiens, pour te rassurer un peu, lis-moi tout de suite et tout haut le paquet de lettres que voici et qui te cause tant d'inquiétude. Je n'osais avouer que c'était ma secrète envie, et je me fis prier un peu, mais de la bonne sorte. L'or, qui lisait dans mon cœur comme dans un livre ouvert, me força de lire le paquet tout entier. Elle avait écrit à Paris pour s'offrir comme sous-maîtresse dans une pension de jeune fille, et son offre était acceptée à condition qu'elle partirait dans un délai de 3 jours. « Avoue que tu as eu de l'instinct, » me dit-elle en riant après cette lecture, « car l'affaire était déjà réglée, et je comptais partir après-demain en te prévenant seulement 2 heures avant mon départ, pour ne pas rencontrer de résistance. « Ingrate, » lui dis-je en l'embrassant, « c'est la première de tes trahisons, que ce soit aussi la dernière, car une seconde coûterait la vie à l'un de nous deux. » Elle écrivit donc à Paris pour se dégager et retirer sa parole, et dès le lendemain, je sortis de la maison avec l'intention de me procurer les papiers nécessaires à notre mariage et de faire publier les bans dès le jour suivant. Pour moi, l'avenir était plein de promesses. Mon histoire des papes avançait déjà. Le plan était tracé d'avance. La moitié du premier volume était écrite. Le reste marchait rapidement grâce à la retraite où je vivais confiné, ne voyant personne excepté M. de Boréas, dont les visites un instant interrompues par la mort de ma mère avaient recommencé 15 jours après et devenaient presque quotidiennes. Malheureusement, je ne connaissais pas tous les ennuis de la province.